Alors tu te dépêches. Je te permets pas. Tu vas au standard, tu fermes ta gueule. Oh, t'as attendu le week-end dernier. Tu vas au standard, tu fermes ta gueule. La guépride. Au standard. La guépride. Au standard, je continue pas. Au standard. Allez, Gérard. On a un terrain d'entente là. Gérard, on est 9700. Vildard au standard. Enchaîne, Gérard. Vildard au standard. Tu vas pas avoir les 10 000. Tu prends des auditeurs, tu dégages de l'arrière, je veux plus te voir là. Qui va faire l'arrière, Olivier? Non, c'est Manu. Oh non, ça pue du bec. Non, non, allez hop. Si tu trouves que Fildar est un petit PD, appuie sur la touche 18 de ton téléphone. Ok. Fildar, gros PD. Fildar, gros PD. Et à part ça, c'est pas toi qui le fais. Non, non, celui-là. Non, non, alors tu... Manu, tu vas maintenant, à l'arrière. Si tu veux avoir des renseignements sur les cures de désintoxication... Ouais. Sur coupe. Coupe. Appuie sur le numéro 1. Coupe. Okay. Bon, on va faire une pause, je le sens. Mais non, je coupe, j'essaie de le couper. On va se faire une... Les cures de désintoxication. Coupe. Arrêtez. C'est pas moi. Allez hop, tu m'envoies le disque. J'ai coupé. Tu entends moi un disque est terminé. Non, j'ai coupé. La pause. J'ai coupé. Pause, je veux pas savoir. J'ai coupé. Il aurait dit que ça commence jeudi. De toute manière, d'où vient le mot Jet Set, on l'a dit, donc maintenant c'est plus la peine de... Bah si, on va voir ce que les auditeurs nous disent. T'as un nouvel auditeur? Non, pas pour l'instant, dans tout ce bordel. Bon, alors, d'où vient le mot Jet Set, Bruno Solo? Jet Set, d'où ça vient? Alors là, je crois que ça vient je l'ai dit, tout à l'heure. Ça vient de l'américain, non? Non, je l'ai dit. C'était quoi, Gérard? Essayez de chercher, hein. Alors on va chercher, attends, bouge non, pas. Moi, je dirais, est-ce que ça a un rapport avec l'Euro 2000? Ben, de toute manière, voilà. Ça y est, elle a trouvé, c'est qui, c'est Thierry? Non, moi je suis Anne Roumenoff. C'est toi qui... Ben, j'avais posé la question à Thierry, hein. Ah, bon, bah, par rapport... C'était quoi la réponse? Alors, en fin de compte, je redis la définition qu'on a eue sur l'Internet. C'est pas un plan du genre baccalauréat. Non, c'est élite cosmopolite, faisant fi du temps, mais obsédé par l'argent, mode de transport, jet privé. Ah d'accord, c'est comme nous, sauf qu'on en a pas, quoi. En fin de compte, c'est tout ce qu'on a pu avoir comme définition. Dans la définition, il y a eu un terme faisant. C'est perso. Faisant-nil. Faisant-fi. Mais c'est faisant, oui. Avec un E. Mais ouais, mais non, c'est le truc qui sent mauvais, là. Qui sent non, je sais pas. C'est ce que j'avais demandé à Anka. C'est ce qu'Anka m'a trouvé sur l'Internet. Il n'y a rien de personnel. Non. Ah, donc, sinon, on va à la question, ouais. Ça y est. Sur, ça veut dire quoi, Gérard? Parlez pas tous en même temps parce qu'on comprend rien. Donc, c'est vrai. Manu, donc, ouais. Tu serais Kramsi, Manu, ou quoi? Non, pourquoi? Je sais pas, t'as les mêmes. Manu, t'es tombé dans le Mac aussi en boîte. Non. On accueille Jeune Vert Solidaire. Oui, bonsoir. Quoi? Aïe. Jeune Vert Solidaire. Oui, bonsoir. Jeune Vert, bonsoir. T'appelles d'où? J'habite en face de la prison de Fresnes, 9-4. 101.9. 101.9, et je te dis bonsoir et je te dis Nam. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, on va faire la petite pause. Mais tu me donnes le... T'as des KitKat ou pas? Tu me donnes la fiche. C'est du Twix, hein, deux doigts. De toute manière. La question... Tu viens de la poser la question, bah, parce que t'as accueilli les bah ouais, mais non, mais on tout le monde a répondu, on l'a donné déjà dès le début, la fréquence. C'est quelle question, là, que tu fais? La 12. Manouche. On est à la 12, là? Bah ouais. Vas-y, bah, oh piano, hein, il reste une heure. Dans ce cas-là, on met deux disques, là. Ah non, tu vas encore partir... On met deux disques, hein. T'es vraiment une feignasse, quand même. Bah on met qu'un disque à chaque fois, là, on va mettre deux disques. On peut mettre celui-là. C'est la fête. Bah tu mets celui-là, puis tu mets... Non, celui-là, ce sera en deuxième. Mais t'inquiète, ça arrive. Ah. Alors donc, c'est quoi ça? Tu sais qu'il a été chercher des titres comme ça? Manu. C'est quoi ça, Manu? C'est quoi le titre? Je pense GG Sodo à la loco, avec Dans mon pot de Clodo, j'en ai pris des kilos. On va s'écouter ça, mais si c'est pas ça, bah vous verrez ça après avec Fildar. Donc on se retrouve après. Donc la question que je vais vous poser, c'est quelqu'un de la Jet Set peut-il faire du cinéma? Un caca de Jet Set, non? Que d'autres personnes. Et on se retrouve tout de suite après. Ouais. Rebonsoir Thierry. Ouais, rebonsoir. Anne Roumaroff. Oui, bonsoir. Et Fine Vert. Non, Jeune Vert Solidaire. Ouais, Jeune Vert. Bon, alors la question c'est, quelqu'un de la Jet Set peut-il faire du cinéma que d'autres personnes? On va demander à Jeune... Gérard, j'ai pas compris.

Avec des Parisiens là. Ça chantait, hein. Tu m'oublieras, je pense. Non, il y a, à part Anne Roumanoff, c'est tout. Sinon, on n'a rien que Paris. Pour, ouais, mais elle a percé à Paris, elle est repartie. Je crois, pour finir le débat, là, il reste 6 questions. Et, bah, vas-y tranquille, hein, vas-y tranquille. Bah ouais, tranquille, on peut peut-être prendre une petite question de. Tu veux trop d'un certain Manu sur l'IRC. Il voulait savoir si tu pouvais donner des astuces. Oh putain, ils me cassent les couilles avec leurs questions là. Je répondrai pas, j'ai dit, c'est pas la peine d'insister. Bon, Genevers solitaire. J'ai oublié la question avec tout ça, GG. Non, non, mais je la répète plus. Un jet setter. Quelqu'un de la jet set est-il a-t-il le droit. Monsieur Mazur. Quelqu'un de la jet set est-il a-t-il le droit de faire des cascades. Je ne répéterai plus les questions. Honnêtement, moi je pense qu'il faut faire attention, parce que les gens de la jet set, c'est quand même des gens qui ont un physique. Ah oui, hein, faut pas renier, on parlait de Régine tout à l'heure par exemple, c'est des physiques qui se préservent quand même. De quoi? On parlait de Régine tout à l'heure. Je dis de Régine? Ouais, c'est des physiques quand même qui se préservent. On a parlé d'Alice Sapritch aussi. Ah, alors bonne nuit. Pourquoi? Tu lui dis au revoir à Genevers solitaire. Pourquoi? Parce qu'il donne des noms d'autres personnes que. C'est un exemple. C'est un non, non, mais moi je te dis au revoir et c'est Alice Sapritch, tout le monde la connaît. Non, non, mais tu lui dis au revoir, c'est toi. Belle. Ouais, belle. Attends, ta question elle est un peu, et tu me poses à moi, bah, bien sûr qu'on a, on peut, quand on est à la jet set, on peut faire des super cascades, quoi. Moi j'en ai fait plein, en trottinette, skateboard, snakeboard. Quelqu'un de la jet set, Si je suis pas de la jet set, je sais pas d'où je suis alors. Hein. Mm-hmm. Et tu vois, t'as bien vu toutes les cascades tout au long des films et des pièces de théâtre que j'ai fait. J'avais fait plein des cascades. Ouais. J'ai acheté deux chiens, j'ai une femme blonde, je la cascade un peu de temps en temps, tu vois. Ouais, okay. Aussi, un coup dans le pot, un coup dans le chapeau. La pousseau. La pousseau. Ouais, c'est moi. Donc quand t'es dans la jet set, tu fais pas des cascades. C'est interdit. T'as des cascadeurs qui le font à ta place. Et t'as un téléphone pourri. Ouais, je sais. Ouais, c'est comme ta coupe. Un Nokia 8210, tout pourri, laisse tomber. Enfin bon. Elle s'appelle demain. Oh, y'a qui là-haut? Et c'est quoi là ce bordel là? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui s'amuse à parler là, puis il dit ouais, je t'appelle demain et tout ça là, c'est quoi ça? Oh. C'est quoi ce bordel? Bon, alors la pousseau. Ouais, bah, j'étais un peu répondu, mais bon, moi, j'ai fait quelques cascades, je me suis fighté avec une pétasse devant un feu rouge, tout ça. D'accord. Ah ouais? Sinon, voilà, quoi. Ouais, Manu. On accueille Élie Medeiros, bonsoir. Ouais, salut. Salut. Salut Gérard, salut tout le monde. Hein. Salut tout. T'appelles d'où? J'appelle de Marseille. Fréquence? 92.3. Eh putain, mais donnez les T'es curieux, toi, quand même. Hein. Attends, donnez les fréquences quand je vous le demande. Hein. Tu me demandes. Moi, Gérard, j'ai une. J'appelle pas d'une fréquence, j'appelle d'une ville. Ouais, mais quand je vous demande de vous appeler d'où, vous me donnez tout de suite la fréquence, ça va plus vite. Ah d'accord. Ah oui. J'ai une petite question pour toi, Gérard. Qui? C'est la Pousseau. Est-ce qu'on peut devenir milliardaire à la naissance? Toi, tu commences à foutre ta merde, je te dis au revoir. Bah pourquoi? Ah oui, attends, on peut devenir milliardaire. Non, mais ça, la question, c'est moi qui les pose, c'est pas lui. Alors, tu, Manu, bah tu lui dis au revoir à la Pousseau. D'accord. Voilà. Qui est le mec? Alors, Élie Medeiros. Oui. Donc. C'était la question sur les cascades. Voilà. Tout à fait. Eh bien, c'est interdit dans les contrats de faire des cascades. Oh, t'arrêtes avec ton téléphone. D'accord. C'est pas moi, hein. C'est qui s'amuse avec son téléphone? Ah, je crois que ça se touche. Ouais, mais ça doit être Anne Roumanoff. Ah bah ouais, c'est une salope. Ah oui. Bon, allez, tu lui dis au revoir. À qui, là? Je dis Anne Roumanoff. Anne, enlève ton combiné de ta... Ah. Au revoir, Anne Roumanoff. Ouais, je vais gérer au standard. Tu lui dis au revoir. Bon, c'est... Oh, Manu. Vas-y. C'est pénible ce petit bruit quand même. Ça commence à bien faire. Désagréable. Tu dis au revoir à Manu Roumanoff et c'est terminé pour elle. Bah, laisse-la finir. Laisse-la bon alors, qui c'est qu'on a? C'est terminé au standard. Qui c'est qu'on récupère? On a Bébel et puis Élie Medeiros, hein, c'est déjà pas mal, je pense. Bah, tu me récupères d'autres personnes, hein, on va continuer. Hein. D'accord. J'ai l'impression que ça s'endort. On va attendre un peu et puis on va continuer le débat. Combien qu'on est sur l'IRC quand même avant? Alors ça monte toujours, on est 9800... Ah, ça a baissé on un petit à peu 900, en fait, oui, Rigo, excusez-moi. 9800? J'ai zappé. 9812. Voilà. Armistice. 812? Ouais.